c'est Albert Ndouaïo qui tient les manettes. Merci, auditeurs, auditrices, pour votre fidélité. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les titres. Le ministère de l'Intérieur critique la manière dont le parti SNL est en train de battre campagne électorale. Ce que rejette le SNL qui parle plutôt de deux poids, deux mesures, vous l'entendrez. L'on parlera également de ces élèves qui déplorent l'annulation de l'année scolaire. Suite aux inondations en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, en Ngozi, l'on rapporte la flambée des prix du haricot jusqu'à 2400 alors qu'il était de 2500 francs burundais. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Politique, pour débuter cette édition, le ministère de l'Intérieur déplore la façon dont le Parti Congrès National pour la Liberté mène sa campagne électorale. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, Pascal Balandaguié reconnaît toutefois que tout n'est pas rose au sein des autres formations politiques. Il demande à la justice de se pencher sur tous les cas de violation de la loi. Suivez Pascal Balandaguié, il est ministre burundais de l'Intérieur. On ne peut pas dire que tout est blanc au sein des autres formations politiques. Certainement que ici et là, il y a des petites bavures qui ne sont même pas rapportées. Ce qu'on vous rapporte ici, ce sont en fait les faits les plus saillants et qui méritent d'être débattus. Autrement dit, pour les petites bavures, on peut les retrouver partout. Mais spécifiquement pour le CNR, les infractions sont tellement graves aujourd'hui. On vous a parlé de quelqu'un qui a subi un coup d'une lance au ventre et qui est déjà agonisant à l'hôpital. C'est déjà trop. Les faits sont accablants aujourd'hui contre le CNR. Je dois vous rappeler que la période de pré-campagne a été une période exceptionnellement paisible, ce qu'on n'avait jamais vu depuis que le Burundi existe. Mais aujourd'hui, on s'étonne de voir comment, dans un petit laps de temps, il y a un changement brusque. Et ça veut dire soit les leaders n'ont pas donné le message qu'il faut, tel que convenu dans le code de conduite, mais aussi tel que mentionné dans le code électoral. Aujourd'hui donc, nous les interpellons pour qu'ils donnent un message qu'il faut à leurs militants pour que la campagne se déroule conformément aux normes convenues dans ces deux documents. Faute de quoi, nous demandons qu'il y ait des sanctions et que les infractions relatives soient sanctionnées et suivant la méthode de flagrance. Nous avons aussi interpellé la justice pour cette raison. Alors, en ce qui concerne d'autres partis politiques, on a parlé aussi d'une confrontation à Gitega entre les membres du CNR et ceux du parti CNDD-FDD. Alors, les enquêtes se font sur les deux côtés. Probablement que les fautes pourraient être partagées. Ce sont des enquêtes qui continuent. On a parlé aussi d'une disparition d'un membre du CNR à Mwaro, à Myabihang. Les enquêtes n'ont pas encore abouti pour connaître finalement qui est l'auteur de la disparition. Mais certainement qu'il s'agit des membres d'autres formations politiques. Sur ce, le parti CNR trouve plutôt qu'il s'agit de deux poids, deux mesures dans le traitement des partis politiques pendant la campagne électorale. Agathon Rwasa, président de ce parti, avance que ses militants sont bloqués par les membres du parti au pouvoir, de retour des propagandes, il estime que les droits des autres partis politiques devraient être appliqués aussi pour son parti CNL. Suivez Agathon Rwasa, il est patron du CNL. Si par malchance il y a quelqu'un ou quelqu'une qui va à rencontre de la loi, il ne faudrait pas qu'on cherche à généraliser. Mais ce que nous constatons, c'est que du camp CNDD-FDD, c'est que les gens chaque fois s'organisent pour attaquer nos militants quand on rentre de nos meetings ou de nos rencontres. Est-ce qu'il n'y a pas des Inyangamugayo de votre parti qui sont impliqués dans des infractions? Moi, je ne peux pas faire l'avocat du diable. Si quelqu'un enfreint la loi, il doit en répondre. C'est tout à fait normal. Mais ce que je ne peux pas soutenir, c'est de prendre les victimes pour des bourreaux et des bourreaux pour des innocents. C'est ça que je ne comprends pas. Ils devraient changer d'attitude. Nos droits, c'est nos droits. Nos devoirs, c'est nos devoirs. Personne ne peut y échapper. Ce que l'on peut demander aux responsables administratifs et sécuritaires, c'est d'être à la hauteur de leurs tâches. Nous demandons aux responsables administratifs d'être réellement des administratifs et non pas des militants de partis politiques. Nous demandons aux agents de la sécurité d'être là comme le point de recours pour tout le monde, qu'ils ne prennent pas parti s'il y a une crise qui éclate ici ou là, qu'ils soient au juste milieu et aident les gens à avancer ensemble. En ce qui est du parti au pouvoir, CNDD-FDD pointé du doigt par le ministère de l'Intérieur d'être derrière les bavures commises au cours de la campagne électorale. L'ancien Inete Mutoni, chargé de la communication au sein de ce parti, indique que cette question incombe à la police et le ministère en charge de la gestion des partis politiques. La Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme au Burundi demande aux politiciens d'éviter les discours de haine et la justice d'appliquer la loi sur les infractions électorales sans distinction des partis politiques. Dr Sixte Vignini Muraba conseille les Burundais à ne pas considérer un opposant politique comme un ennemi et à la CENI de voir un moyen de faire parvenir les cartes d'électeurs à ceux qui ont quitté leur lieu d'inscription. Fidèle d'Antoine Sabiman. Dr Sixte Vignini Muraba, président de la CNDH, affirme qu'en général, la campagne électorale avait bien démarré, mais déplore que ces derniers jours, il s'observe une certaine intolérance politique. Je dois dire que la campagne avait très bien commencé. Il y a quelque chose quand même qu'il faut dénoncer, parce qu'on commence à voir qu'il y a certains membres des partis politiques qui commencent à utiliser de la violence, à se mécomporter et qui commencent même à lancer des discours de haine. C'est ça quand même qu'on n'aimerait pas que ça continue. Président de la CNDH demande aux politiciens en campagne de donner un discours d'apaisement. Et je dois souligner clairement que les partis politiques qui sont plus concernés, c'est le CNL et le CNDD-FDD. Et d'abord, je demande aux responsables de ces deux partis d'éviter de prononcer des discours de haine. Parce que, vous voyez, le discours de haine divise la population. Il peut même les inciter à la violence, même la violence physique. Et on a même commencé à le voir. Les membres des partis politiques arrêtent de se promener avec des armes, se déplacent avec des massues ou même avec des bâtons. Il faut quand même qu'ils comprennent que voyager avec ces objets, et ça terrorise la population. Sixte Vignini Muraba appelle à la police et aux instances judiciaires de faire leur travail dans le respect strict de la loi et en toute neutralité. À la CENI, de faire tout le nécessaire pour faire parvenir les cartes d'électeurs aux Burundais inscrits, mais qui se sont installés loin de leur lieu d'inscription. Il faut qu'on punisse tout le monde qui commet une infraction sans distinction aucune. Il ne faut pas qu'il considère de parti politique, il ne faut pas qu'il considère de région. Chaque personne qui est coupable, qu'il soit puni. À la CENI, je voudrais demander qu'il y ait des éclaircissements sur les dispositions prises afin que chaque personne qui n'a pas pu avoir sa carte électorale puisse l'avoir. Vous savez que le vote, c'est un droit. La CNDH appelle aux membres de partis politiques d'éviter d'être manipulés par les politiciens, étant conscient que la faute est individuelle. La radio de l'avenir. À 13h06 dans les cieux de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Parlons éducation à présent. À peu près 1000 élèves de l'école fondamentale victimes des inondations de Gatumba sont actuellement hébergés dans le site de Maranvia, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, suite à ces inondations. Certains d'entre eux déplorent l'annulation de leur année scolaire suite aux inondations qui ont endommagé leurs établissements scolaires et matériels. Ces élèves demandent d'être transférés dans d'autres écoles pour qu'ils puissent continuer leurs études. L'administrateur communal de Mutimbuzi tranquillise ces élèves que d'ici peu de temps, cette question pourra être réglée afin que ces élèves puissent reprendre les cours. Les détails avec Vessine Boutoui. Ce sont certains des élèves victimes des inondations à Gatumba qui sont maintenant logés dans le site de Maranvia, l'ancien centre d'élevage des différents animaux dont le bétail et les volailles, dit Sobel, situé à la 13e transversale. Steve Bigirimana, élève de la 9e année fondamentale, est l'un d'entre eux. Il indique qu'il ne voit pas comment se préparer pour passer le concours national donnant accès à l'enseignement du poste fondamental, du moment qu'il n'est plus de cahier ni d'uniforme et les salles de classe sont fermées suite aux inondations. Je ne suis pas en train de me préparer pour passer le concours national parce que je n'ai plus de quoi manger, ni les cahiers, ni même l'uniforme. Diane Irambona, élève de la 8e année fondamentale, déplore que cette année soit nulle pour elle, alors qu'elle était redoublante et qu'elle avait l'espoir de réussir cette fois. fois-ci. Franchement, je me sens mal à l'aise, étant donné que l'année passée, j'avais échoué. Donc, j'étais en train de reprendre l'année en 8e année et j'avais l'espoir de réussir. Mais comme je ne suis plus à l'école, je suis dérangée et je risque d'abandonner mes études. Au moment où ces élèves demandent d'être transférés dans les autres établissements scolaires pour qu'ils puissent continuer leurs études, l'administrateur communal Mutimbuzi Simeon Butoyi tranquillise ses élèves que bientôt, ils vont reprendre les cours. Il explique qu'ils attendaient l'enregistrement de l'effectif total et le niveau d'études des élèves se trouvant dans ce site de Maramja Sobel pour enfin les installer dans les salles de classe irrelatives. De toute façon, l'année ne sera pas blanche pour ces élèves déplacés en provenance de Gatumba parce que nous disposons de salles de classe et là-bas même pouvant les accueillir. On avait seulement un problème d'avoir des effectifs et pas de classe pour pouvoir demander l'affectation dans des classes respectives. Le site de Maramvia Sobel, situé en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, compte 980 élèves de la première année jusqu'en 9e année fondamentale. Merci Vestine et Boutoui. Parlons à présent l'économie, l'appui au projet de développement des coopératives collinaires pour plus de 87 milliards de francs burundais ainsi que la poursuite de la construction du barrage de Rusumo Falls pour plus de 23 milliards de francs burundais sont quelques-unes des 15 priorités du gouvernement burundais au titre du budget exercice 2020-2021 dans le projet de loi analysé et approuvé par les deux chambres du Parlement burundais. L'on constate l'introduction de nouveaux articles, notamment celui relatif au marché de fourniture de travaux et services, ne dépassant pas 2 milliards de francs burundais qui doit être ouvert à la compétition des entreprises locales. Mireille Kanyank. De nouveaux articles ont été introduits dans ce projet de loi budgétaire exercice 2020-2021 en attente de promulgation. C'est entre autres les articles 40, 41 et 100 relatifs à la procédure de marché public, l'article 39 selon lequel les véhicules cédés par les projets ou programmes des bailleurs de fonds doivent être préalablement enregistrés dans la comptabilité du ministère des Finances avant d'être remis au ministère en charge du charroi de l'État et l'article 10 précise que les bons de commande des administrations personnalisées de l'État ne sont valables que s'ils sont visés par le contrôleur des engagements des dépenses après avoir vérifié la disponibilité du budget. En ce qui est des grandes priorités contenues dans ce projet de budget, le document parle de la poursuite des provisions pour les élections de 2020 pour un montant de 13,2 milliards de francs burundais, de l'appui au projet de développement des coopératives collinaires pour un montant de 87,8 milliards de francs burundais, y compris l'achat des véhicules et des administrateurs. L'autre priorité, c'est l'achat des véhicules et des gouverneurs pour un montant d'1,7 milliard, précisant que les véhicules cédés par les gouverneurs seront en plus utilisés comme véhicules de liaison à différentes activités provinciales. Entre autres priorités, c'est également la continuation de la mise en œuvre du projet Weburundurambaye pour un montant d'1 milliard de francs burundais, la poursuite de la politique de subvention des engrais pour un montant de 10 milliards de francs burundais, fait également partie des 15 priorités. L'on parlera également du programme d'appui institutionnel et opérationnel du secteur agricole pour un montant de près de 4 milliards de francs burundais, la poursuite de la politique de financement basée sur la performance dans le domaine de la santé pour un montant de 26 milliards de francs burundais. L'on citera également la participation de l'État dans la banque agricole et la banque des femmes pour un montant de 3 milliards de francs burundais. Sur les 15 priorités contenues dans ce document de loi budgétaire 2020-2021, c'est la politique d'appuyer les retraités de l'État dans les dépenses liées aux soins de santé non couvertes par la mutuelle de la fonction publique pour un montant de 2,5 milliards, la construction d'un centre d'excellence pour l'éducation patriotique, campagne de moralisation de la société pour un montant de 3 milliards de francs burundais, la politique de faisabilité du projet de chemin de fer Gitega-RDC pour un montant d'1 milliard de francs burundais, ainsi que la politique de développement local pour l'emploi avec un montant de 31 milliards, un projet de la Banque mondiale ayant comme objectif de créer des opportunités génératrices de revenus pour les particuliers et les entreprises, d'améliorer l'accès aux infrastructures de base dans certaines régions en ciblant les populations vulnérables et les petites et moyennes entreprises dans des chaînes de valeurs agricoles prometteuse, enchérit le document. Merci Mireille Kanyang. C'est une information qui vient juste de nous parvenir. Le procès en appel des quatre journalistes du journal Iwacu est en cours en province de Bubanza devant la cour d'appel de Nahangwa en itinérance. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa et Jide Haririmana et Terence Mhodzenzi avaient été arrêtés le 22 octobre 2019 lorsqu'ils étaient en reportage à Musigati sur l'insécurité qui régnait dans cette localité. Le tribunal de grande instance avait prononcé donc une peine de 2 ans, 6 mois. Selon notre envoyé spécial à Bubanza qui est en train de suivre l'audience, les accusés plaident non coupables sur le chef d'accusation de tentative impossible de complicité à l'atteinte de sûreté intérieure de l'État. L'on vous donnera plus de détails dans nos éditions ultérieures. Continuons ce journal avec la page agriculture flambée des prix de certaines denrées alimentaires, notamment le haricot Ngozi. Le prix d'un kilo de haricots s'achète entre 2000 et 2400 francs burundais contre 1500 de nos francs d'il y a 2 semaines. Certains commerçants expliquent que c'était flambé du prix par la mauvaise récolte du haricot de la saison culturelle B passée. Apollinaire Mozaga, la correspondance. Le prix du haricot a grimpé petit à petit dès le début du semis de cette saison culturelle B, allant de 1300 francs à 1500 francs le kilo dans quelques jours, pour être entre 2000 francs le haricot simple à 2400 francs actuellement celui de bonne qualité. Le haricot dit jaune qui était entre 2200 et 2400 francs il y a 2 mois, se vend actuellement à 3000 francs. Les commerçants de ce produit ainsi que leurs clients affirment que c'est la première fois en Ngozi que le haricot atteint un tel prix. En dépit de cela, tout s'accorde à dire que ce prix du haricot va chuter bientôt avec la récolte de cette saison culturelle B, saison qui affiche selon eux une bonne récolte de haricots. Même les prix d'autres produits ont suivi ce rythme. Un kilo d'oignons s'achète actuellement à 750 francs bourg contre 650 francs d'il y a une semaine. L'huile de coton qui se vendait à 4000 francs est actuellement à 5000 francs. Ces clients demandent aux autorités habilitées de suivre de près ce qu'ils qualifient de spéculation car selon eux, des stocks de haricots auraient été vendus ces derniers jours dans certains des pays voisins. Donc aussi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mozagara. Toujours l'agriculture, mais cette fois-ci en bref. Des employés de l'usine de café d'Obuyezi en commune et province de Makamba n'ont pas été rémunérés depuis plus de 12 mois. Ils disaient qu'ils vivaient dans des conditions déplorables et par conséquent, regrettent-ils, ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. Ils demandent à l'autorité compétente de régler cette situation au niveau du Bureau provincial de l'environnement. Agriculture et élevage à Makamba, on demande ces caféiculteurs d'attendre la régularisation. Parle, rassure-moi. Des militants des partis politiques sont appelés à réfléchir d'abord sur les ordres de leurs leaders avant d'exécuter. L'expert en résolution pacifique des conflits, Chartien Nyungeko, trouve qu'ils peuvent oser refuser une fois qu'ils trouvent que les leaders les incitent à des cas d'intolérance envers une autre partie. L'expert Chartier Nyungeko précise que cela diffère de l'insolence puisque cela rentre dans le cadre de lutte contre les violences de masse. Ornella Mucho. Les leaders des partis politiques peuvent inciter les militants à travers les sensibilisations à être de bons modèles, mais toutefois, ils peuvent même les pousser à faire des actes de violence. Le consultant en transformation des conflits, Chartier Nyungeko, trouve que dans ce cas, les membres des partis politiques doivent avoir un caractère d'esprit d'analyse. Il s'agit d'un comportement responsable. De la part des membres d'un parti politique, vous devez analyser, vous devez revoir les ordres qui sont donnés par l'autorité. Vous devez revoir les recommandations ou les orientations ou les instructions que votre autorité vous donne pour voir si vous respectez, quelles les conséquences qui vont s'en suivre. Ou si vous ne respectez pas, donc à la lettre, tout ce que l'autorité vous demande à faire, qu'est-ce que vous allez perdre, qu'est-ce que vous allez gagner. Parce que vous pouvez être autorité, vous êtes responsable, mais aussi vous êtes redevable envers moi. Mais moi, en tant que votre membre, je suis aussi responsable et je suis aussi redevable. Après l'analyse, Chartier Nyungeko les interpelle à oser dire non aux leaders une fois que ces derniers les incitent à l'intolérance politique. Il précise que cela fait preuve d'un comportement de responsabilité qui est opposé à l'insolence. Si par exemple un acteur politique demande à ses membres de tuer ou de manifester un comportement d'intolérance qui amène ses membres à poser des actes de violence envers les autres membres des autres partis politiques, c'est-à-dire que en tant que responsable, ses membres peuvent s'organiser, ils peuvent dire non à leur leader, sans toutefois être insolent. On peut toujours dire non, tout en respectant un leader politique. Alors, à tous ceux qui m'écoutent, je leur demanderai de ne pas toujours avaler tout ce que leur leader leur demande de faire. Chartier Nyungeko, consultant en transformation des conflits, affirme que manifester un respect modéré à l'autorité quelconque est l'une des meilleures voies de contrecarrer les violences de masse. Merci, Ornella Moutre, c'est par ta chronique que nous mettons au final à cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je dis également merci à Albert Ndouayo qui l'a mise en onde. Eline Ibel Nibigla, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.